des cerises sur son chapeau. La vieille, elle se fait croire que c'est l'été. Au soleil, on s'en rassurait. Il paraît que la dame à la faux, c'est l'hiver qu'elle fait son boulot. C'est pas qu'elle tienne tant à la vie, mais les vieilles, ça a des manies. Ça aime son fauteuil et son lit, même si le monde s'arrête ici. Elle a la tête comme un placard, la vieille, et des souvenirs bien rangés, comme ses draps, ses têtes d'oreiller, son tout premier carnet de bal, du temps où la valse c'était mal, un petit morceau de voile blanc, du temps où l'on se mariait enfant, de son feu héros une croix de guerre, de l'avant-dernière, dernière guerre. Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille, elle se fait croire que c'est l'été. Elle ne fait plus partie du temps, elle a 100 ans, elle a 1000 ans. Elle est pliée, elle est froissée, comme un journal du temps passé. Elle a sa famille en photo, la vieille, sur le buffet ils sont en rang, et ça sourit de toutes ses dents. Il y a les petits-enfants des enfants, et les enfants des petits-enfants. Il y a ceux qui viendraient bien des fois, mais qui n'ont pas d'auto pour ça, ceux qui n'ont pas le temps, qui habitent pas là. Puis il y a les autres qui n'y pensent pas. Elle a des cerises son chapeau, la vieille, elle veut se faire croire que c'est l'été. Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille, elle se fait croire que c'est l'été.